Bon, numéro 171, reconnaître l'intégration. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ça dans le développement de la conscience, la fameuse intégration. C'est sûr, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi, là, dans l'histoire de l'âme, l'adversité, la polarité, quand on est astrologue, on voit que tout est adversaire de l'autre, tu sais, la maison 4 devant la maison 10, toutes ces choses-là, la maison 2, le profit, la maison 8, les pertes, c'est tout est subdivisé. Là, on se dit, ouais, mais si on passe d'un à l'autre, tu sais, tu t'achètes une auto, c'est comme un profit que tu te donnes, un bien que tu acquiers, puis ça dévalue. Mais la dévaluation est inévitable. Toute forme de relation finit par sombrer dans une habitude. Donc, tu es dans le high d'une forme d'aller vers l'autre, là. Et puis, à un moment donné, ben, tu te rends compte que, bon, l'autre, il n'est pas nécessairement appelé à aller dans le même sens que toi. Et puis, il va devenir comme éventuellement une forme d'adversaire. Conséquemment, ben, il y a une opposition qui s'installe. Puis, dans l'opposition, ben, tu vis une déception. Même si tu as eu un high là, à l'hiver. Bon, tout ça, c'est des mouvements de l'âme, et puis comme c'est on va dire entre guillemets, une règle, dans le sens que quand tu vas vivre ta vie, tu vas passer par toutes les oppositions possibles qui est possible dans ta carte du ciel. Fait que tu fais une étude de ta carte du ciel, puis tu vas voir toutes les oppositions qui se créent, tous les tests qui se présentent, puis dans ces tests-là, il faut que tu en arrives à être neutre. Bon, c'est là on dit on doit intégrer nos tests. Bon, quand on parle d'intégrer nos tests, on parle de concevoir la normalité de l'opposition. Intégrer, c'est rendre la vie, comment je te dirais ça, comme c'est intelligent que ça se passe dans une opposition. C'est intelligent que ça se passe dans une répulsion puis dans une admission. Tu admets quelque chose, puis tu peux aussi vivre une répulsion. Je pense à Céline avec son perroquet. Mon perroquet, il n'est pas fin, il est mort. Et mettons que c'est voulu. Trouver intelligent que ça soit voulu que ça se passe, c'est ça, intégrer. Quelque chose, hein? C'est de trouver intelligent la charge négative. Je pense à Jeannette qui est en conflit avec l'autorité. Puis il faut qu'elle trouve intelligent que c'est dur de vivre avec quelque chose qui a un contrôle ou une domination sur sa personne. C'est pas évident. Et trouver ça intelligent, c'est de voir l'intelligence travailler à te permettre d'intégrer l'autorité pour comprendre éventuellement que si tu veux avoir de l'autorité, il faut que tu acceptes l'autorité dans son principe. Oh, Pélère, on creuse de quoi de cru, là. Vous ne pouvez pas avoir ce qui vous oppose autrement qu'en l'intégrant. Vous allez dire, c'est fort ce que j'ai comme adversité. Bien, tu vas avoir la force de l'adversité, la force de ce qui est un élément d'adversité. Exemple, on va dire, le froid est un adversaire. Faire du ski doux, faire du ski. Aller travailler de patin dehors quand il fait froid, c'est intégrer le froid. Rendre ça agréable, le froid, faire de la motoneige à moins 30, pas évident, mais rendre ça le plaisant, c'est intégrer le froid. Plus vous allez passer de tests qui créent de l'adversité dans vos vies, plus vous allez intégrer ça. Je passe à Céline, intransigeance égale précision. Demander quelque chose avec intransigeance, c'est demander un rythme, c'est demander un temps, c'est demander une précision. Tu ne l'intègres pas, tu ne l'auras jamais. Tu n'auras jamais accès à ça. Tu l'intègres et automatiquement, tu vas avoir accès à des événements précis. Timé, bien rythmé à tes besoins. C'est ça, intégrer. Plus tu rends neutre quelque chose qui s'oppose à ta volonté, Parce qu'il faut tout le temps partir du principe que vous êtes dans le jeu, là, hein? Et que votre jeu exige ou demande quelque chose. Vous avez des attentes dans la vie. Vous avez, exemple, une attente d'être aimé, mais vous n'intégrez pas l'amour. Vous voulez qu'on s'occupe de vous, mais vous ne donnez pas, d'attention à l'autre. Comment tu veux l'intégrer? Si tu le donnes, tu peux l'avoir. Mais si tu ne le donnes jamais, tu ne l'auras jamais. Ce que vous avez comme attente, il faut que ça soit donné avant pour être reçu ensuite. L'intégration se fait dans la neutralité de l'adversité. Vous neutralisez l'adversité, donc quelque chose qui s'oppose à votre volonté, dans le sens du « je », vous rendez ça intelligent, et puis en rendant ça intelligent, vous l'intégrez. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai intégré le contact en me laissant aller à ce que je vibrais absolument. Et le contact est venu. Mais j'ai été dans le monde des idées, donc du comprendre, j'aurais jamais eu le contact. Parce que j'aurais jamais vibré, j'aurais tout le temps fait ce que je voulais. C'est en abandonnant le « je » et en suivant ce que la vie me plaçait comme événement, puis je me disais, bon, je vais plonger dans l'événement, puis là où ça va commencer à être difficile, bien là, je vais dire, dites-moi comment m'en sortir. Puis là, je faisais qu'est-ce que ça me disait pour m'en sortir. Et comme je ne m'ostinais pas à essayer de vouloir personnellement une façon de faire, bien, ils m'ont donné une information que j'ai appliquée, puis que j'ai continué de colliger parce que c'était, tu sais, je retombais dans le monde des idées, puis là, il fallait que je lâche l'idée, puis que je les laisse décider, puis les laisser faire, puis que je quitte. Et puis... C'est un peu comme un médecin qui dit, faut que tu prennes telle pilule, et puis tu vas guérir avec ça. Puis là, tu dis, non, je ne prendrai pas de pilule, je vais y aller avec comment je me sens. Et puis là, tu reviens au bout de un mois, six mois, un an, deux ans. Puis le médecin, il dit, ah, ça a marché, pilule? Non, ça n'a pas marché, je n'ai pas pris une. Je dis, comment, c'est un miracle, ça, là, c'est pas normal. Ah, ben j'ai juste fait ce que ça me parlait dans ma tête. Et puis, papa, non, je ne te crois pas. Ah, OK, c'est pas mon problème. Moi, ça a marché. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous dites, je vais intégrer telle ou telle chose, puis que vous avez des idées, vous n'intégrerez jamais. Vous allez être continuellement placé devant une adversité. Toujours, toujours, toujours. En d'autres termes, je prends Jeannette avec son histoire de rapport de force avec l'autorité, ou maudits arabes, maudits boss, blablabla. Elle ne peut pas intégrer, donc elle ne peut pas avoir d'autorité si elle n'intègre pas l'autorité. Donc, si elle ne rend pas neutre l'autorité, si elle n'est pas capable de parler à l'autorité puis se faire respecter, jamais elle va intégrer l'autorité. Mais si devant l'autorité, elle dit « Oh, c'est intéressant ça. Comment il fait pour pouvoir vouloir me bosser? Quelles sont ses démarches? Comment il a réussi à me créer une condition d'employé, ce calice-là? » Là, il y a du montage, là, mon Charlie. Non, c'est de même, parce que les gens vont dire « Ouais, il y a de l'autorité, lui, là. » Fait que si tu ne regardes pas la démarche de qu'est-ce qui te crée une adversité, c'est impossible de devenir ce que tu rejettes. Impossible. Tu ne peux pas être une autorité si tu rejettes l'autorité, parce que tu vas subir le même rejet à ton autorité que toi, ce que tu rejettes de l'autorité. Tu vis ce que tu fais vivre. Retenez-la, cette phrase-là. Tu vis ce que tu fais vivre. Et que moi, j'ai de la misère avec ma vue. Ben, je dis tout le temps aux gens, vous voyez pas clair. Hey, you, il n'est pas clair, une gang de sti d'aveugles. Mais là, vous pouvez dire, mais non, mon esti d'aveugle, là, c'est vrai, vrai, vrai. Je vis ce que je fais vivre. L'évolution d'un être, c'est long. Fait que vous n'aurez jamais, selon votre volonté qui veut que ça aille vite, vous n'aurez jamais ce que vous voulez à partir des idées. Plongez-vous dans le temps pour vivre votre vie, pour intégrer, donc pour assimiler ce qui vous oppose, et puis vous allez vivre une vie évoluée. Mais vous ne serez jamais capable d'évoluer à travers de la philosophie ou des idées. Moi, ce que je reproche le plus aux gens qui sont dans le développement de la conscience, les suiveurs de Bernard, c'est qu'ils s'arrêtent à la philosophie du supramental. J'ai vu beaucoup, beaucoup de philosophie dans l'après Bernard, c'est-à-dire qu'après que Bernard soit mort, son héritage a atterri dans une philosophie. Et la philosophie, c'est on écoute les cassettes, on lit ses livres, et puis on les répète. Un qui a joué avec ça, c'est Donald, quand il disait, ben, moi j'écoute les cassettes, puis je les répète comme un prêtre va répéter la Bible. Comprenez-vous? Donc, il n'y avait pas rien qui faisait avancer. Bernard disait, on n'a pas commencé à parler. Ça veut dire quoi, ça, on n'a pas commencé à parler? On n'a pas commencé à parler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, après lui, vont parler, puis ils vont parler des choses qu'il n'a pas eu le temps de parler ou qu'il ne pouvait pas parler parce qu'il était dans une époque qui ne permettait pas de parler des choses. La médecine des temps futurs, il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais dit il y a une intelligence dans le mal. Il n'a jamais parlé du couple comme un facteur de dans chaque individu, il y a une femme puis un homme. Il y a une polarité masculine-féminine. Ça, c'est moi qui l'ai parlé. Puis il y a d'autres choses que des gens vont parler plus tard, que Bernard n'a pas parlé, que moi, j'ai pas parlé, puis qu'eux autres vont parler. En d'autres termes, c'est une course à relais, cette affaire-là. Il n'y a pas un canal, puis après ça, on le suit. C'est un canal, puis après ça, un autre canal, puis un autre canal, puis un autre canal. Puis c'est une course à relais. L'intelligence, c'est à tout le monde. Ça appartient pas à un être. On fait des religions avec un gars qui a parlé d'amour, qui s'appelait le Christ, le Jésus, n'importe quoi. Puis après ça, ça s'est arrêté là. Puis les gens ont fait de la politique avec la religion. Ils n'ont pas suivi le message du mouvement original. Les forces, ils ont dit, si c'est comme ça, on va éparpiller ça comme un coup de douze quand on tire du canard. Il va y avoir une giclée de plomb. Fait qu'il n'y aura pas un plomb qui va tuer un canard. Ça va être un paquet de plombs qui vont tuer bien des canards en même temps. Donc, ils ont réparti dans plusieurs canaux de l'intelligence pour que chaque canal ait une part de la réalité de la vie et que tous les canaux qui vont être capables d'être canaux vont pouvoir diffuser une information et surtout un faire-faire, parce que ce n'est pas l'information qui fait bouger, c'est la vibration qui fait bouger. Fait que si vous en arrivez éventuellement à guérir, c'est parce que vous allez avoir ouvert votre canal à une capacité de rayonner. C'est votre rayonnement qui va guérir, c'est pas vos idées qui vont guérir. C'est votre rayonnement qui va engendrer des événements. Ces événements se magnétisent à vous et non pas vous qui magnétisez un événement. Fait que ça vous sert à rien de penser à un événement. Il se produira pas parce que vous pensez. C'est l'événement qui va se créer parce que vous vibrez. C'est à l'envers, ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Fait que comment vous vibrez, le comment vous vibrez engendre l'événement. Perroquet, il commence à parler chinois, japonais, arabe, parce que tu vibres. Et non pas parce que tu l'obliges. Les gens t'aiment pas parce que tu veux qu'ils t'aiment. Les gens t'aiment parce qu'ils ont besoin de t'aimer. Pas pareil. Calisse que c'est différent. Fait que tu vas dire, moi je veux telle personne. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vibres quelque chose qui va peut-être amener telle personne. Tu vas avoir la personne qui va aller avec ce que tu vibres et non pas avec ce que tu penses. Les relations que j'ai d'association avec les gens, c'est par le vibrer que je les amène dans ma vie et par le besoin que ma vie a de se canaliser d'une certaine façon. Prenez le son de ça. Bien important, ce point-là. Parce que pour intégrer, il faut reconnaître ce qu'on fait vivre et non pas ce qu'on veut. Vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Vous allez avoir ce que vous vibrez. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi une vibration? Bien, si tu ne sais pas, tu n'auras jamais rien. Parce que tu vas tout le temps vouloir tout. Pas pire, hein? Parce que là, les gens vont dire, bien, moi, si je veux une auto, puis j'ai une auto, j'ai intégré une auto parce que j'ai voulu une auto, puis je l'ai eu. Tout à coup, que tu te ramasses en bicyclette à pédale plutôt qu'en auto, tu vas avoir vibré à la mesure d'un bicyclette à pédale. Tu ne pourras pas vibrer une auto parce que tu n'as pas la puissance de vibrer pour avoir une auto. Là, vous commencez à comprendre de quoi, là. Intégrer, c'est à la mesure de ta réalité et non pas à la mesure de ta volonté. Je vous l'ai dit souvent, hein, vouloir... Si vous n'avez pas le pouvoir de vouloir, vous ne pouvez pas vouloir plus que ce que vous pouvez. OK? Fait que si vous ne pouvez pas beaucoup, c'est parce que vous ne vibrez pas beaucoup. Wow! Là, vous dites, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on vibre beaucoup? Absolument, les gens que j'ai vus être très électriques, ils généraient plus de lumière que les gens qui étaient une petite batterie Nevo. Plug-toi dans le mur avec un 220 volts ou du 110 volts, puis compare ça à une petite batterie Nevo. Je suis capable de me contenter d'une flashlight. Ben oui, c'est ça. Tu vas vivre toute ta vie avec une flashlight. Mais si tu veux vraiment que ça éclaire une pièce, il va falloir que tu te branches sur du plus gros courant avec une plus grande intensité. Fait que votre vouloir, s'il y a un plus grand pouvoir électrique, un plus grand pouvoir faire, il va pouvoir en faire beaucoup plus. Et puis votre intégration va être à la mesure de ce que vous êtes capable de faire. Vous ne pourrez jamais faire plus que ce que vous vibrez. Oubliez-la pour celle-là. Votre pouvoir faire est plus important que votre vouloir faire. Parce que votre vouloir faire, vous allez le limiter au jeu. Alors que si vous êtes dans du pouvoir faire, les forces vont vous guider vers un vouloir faire qui va avoir l'amplitude de votre pouvoir faire. L'intégration étant la capacité de le faire. Tu le fais, automatiquement, c'est parce que tu es intégré. Tu le fais pas, c'est parce que ton jeu, donc ton vouloir faire, est plus grand que ton pouvoir faire. Fait qu'il n'y a pas d'intégration là-dedans parce qu'il n'y a pas de pouvoir faire. Reconnaître qu'on a intégré est en fonction de ce qu'on peut faire. Ça répond à la question? Oui. Bon. Quand on comprend que plus on peut faire, plus ça veut dire qu'on a intégré, ça veut dire qu'il y a aussi des choses que tu intègres qui sont spécifiques à un talent ou à une capacité. Moi, je ne peux pas pouvoir, avec ce que je vibre, n'importe quoi. J'ai un canal, puis mon canal est en mesure de pouvoir faire, dans mon cas, c'est par la parole. Je ne peux pas faire, comme j'ai l'exemple, grimper d'un arbre à 150 pieds, ça, moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas ce pouvoir faire là. Donc, je ne peux pas intégrer la hauteur, mettons. Ouais. N'étant pas capable d'intégrer la hauteur, je peux intégrer d'autres choses, comme exemple horizontal. Rouler à 250 km/h, 300 km/h, pas de problème. Bien là, aujourd'hui, oui, là, parce que là, ma vue n'est pas bonne. Mais dans le temps que j'avais des bons yeux, rouler à 250, je l'ai fait souvent. Rouler à 300, non, pas vraiment. Je n'ai jamais fait ça. 280, je passe le plus haut. Le plus vite j'ai été avec un Hayabusa, c'est 280. Bon, mais ça, je n'avais pas de trouble. Mais 150 pieds dans les airs, je ne suis pas capable. Donc, j'ai un pouvoir faire à l'horizontale, puis j'ai un zéro faire à la verticale. Donc, vous pouvez intégrer à l'intérieur de certaines limites de votre canal. Moi, je peux parler, il y en a d'autres qui ne sont pas capables. OK? Il y en a d'autres que, bon, moi, faire de la chirurgie, découper quelqu'un, là, puis ouvrir la bédaine pour y enlever quelque chose, là, on oublie ça. Le cœur me lèverait avant que ça se fasse. Donc, il y a des gens qui ont un pouvoir faire au niveau chirurgical que moi, je n'aurai jamais. Fait que pensez pas que vous pouvez faire tout. Il faut que vous sachiez qu'est-ce qui est vos limites au niveau faire, qui va avec votre talent, qui va avec ce que votre âme est capable de canaliser. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre tuyau, votre canal, si vous aimez mieux, mais votre tuyau, il est bâti pour faire quelque chose, à naissance. Vous venez au monde avec un pouvoir faire quelque chose, vous avez ça à travers votre carte du ciel. Ce que les gens appellent le fameux intérêt vital, la mission, le sens de la vie, puis ces choses-là, là, bien, tout le monde n'a pas le même sens. Il y a des gens qui sont faits pour faire certaines choses, puis d'autres pour faire certaines choses. Moi, très jeune, je savais que j'étais fait pour parler. Et j'ai fait ça, puis j'ai développé la parole. Puis j'aurais pu chanter aussi. J'ai hésité entre être astrologue et être chanteur à un moment donné. Puis finalement, bien, en ayant fait des études en finance, j'ai trouvé qu'être astrologue, c'était plus payant que chanter. C'est moins pesant de transporter des amplis, des guitares, des cités, ça. Quand j'ai commencé à faire des shows, là, puis il fallait que j'emmène mes guitares, surtout, j'ai fait des messes rythmées, il fallait que j'emmène mes amplificateurs, mes guitares, puis patente, tout ça à la messe. Là. Ouf! J'ai dit, ouais, ça, quand ça va être fini, ça va être fini. Fait que, faut comprendre que la parole, dans mon cas, ça a été mon outil, puis que vous avez tout votre outil. Et puis que votre outil, si vous le développez, vous allez l'intégrer avec la vibration. Plus vous allez vibrer ce que vous faites, plus vous allez réussir dans ce que vous faites. Puis plus vous allez trouver satisfaction à faire ce que vous faites. Plus vous allez tirer satisfaction avec ce que vous faites, plus on va vous reconnaître dans ce que vous faites, puis plus ça va augmenter votre taux vibratoire à vouloir en faire toujours plus et mieux. Fait que c'est l'histoire des hot dogs. Plus le monde en mange, plus on en vend. Plus on en vend, plus le monde en mange. Fait que c'est simple de même. L'intégration, c'est une capacité de faire. Le reste, c'est de l'apprentissage, c'est de l'étude. C'est la destruction du pas naturel. Quand c'est pas naturel, c'est parce que vous n'êtes pas fait pour le faire. Moi, ça ne serait pas naturel. Je monte dans un escabeau et j'ai le vertige. Là. Fait que si Gilles dirait, elle m'a donné des cours, il m'a juste monté à me servir d'une chaîne ça, puis j'ai eu peur. Fait que, la chaîne, fais attention. J'ai regardé la paire de culottes qu'il y avait. Il dit, la chaîne, elle ne peut pas traverser mes culottes. Puis le kit, elle ne peut pas traverser ses culottes. Là, quand j'ai vu un gars qui me disait, tu vas avoir ma chaîne ça pour couper l'arbre qu'il y a derrière chez vous, j'ai pas de culottes. C'est comment ça, les culottes? Il dit, t'as peur, puis tu le coupes. Ouais, puis si la chaîne pète. En tout cas, il a réussi à me faire peur. Puis, fait que pour moi, une chaîne ça, tu touches pas à ça. Fait que tu vois, lui, il part dans un arbre, il est rendu à 50 pieds dans les airs, puis hop, on va couper la branche. Il part la chaîne ça dans les airs, moi, il part la chaîne ça dans les airs. Ça, c'est bouge l'échappe. Okay. Puis si je me l'attache, elle va tomber, puis elle va me couper une jambe, tu sais. Okay. Donc, tu sais, quand t'es pas fait pour, là, t'as peur de tout. Mais comme je pourrais dire à Gilles, viens faire un CD en avant, puis c'est lui qui va avoir peur. Là. Il va avoir peur de se tromper, que vous le trouviez pas intéressant, peur du rejet, puis papa. Puis je dis, bien, danse d'abord, mon Gilles. Peut-être qu'on va rire, tu sais. Fait que la dynamique d'un être qui n'est pas fait pour quelque chose, ça ne peut pas s'intégrer. La dynamique d'un être qui est né pour le faire, ça va facilement s'intégrer. Est-ce qu'on comprend Dieu? Donc, allez-y pour les questions. Si vous avez compris, c'est juste ça qu'il y avait à dire. Allez-y pour les questions, je niaise pas. Là. Je dis, vous n'êtes pas capable d'intégrer les questions, c'est ça? Hein? C'est ça? Quand est-ce qu'on sait qu'on n'a pas intégré? C'est quand l'événement se répète. Non. Non, ben non, parce que moi, à tous les mois, j'ai des conférences, puis ça se répète. Puis ça fait, une conférence, ça fait au moins 20 ans que c'est intégré. J'ai jamais préparé une conférence. C'est quand on ne sait pas. C'est quand on ne sait pas. Je comprends pas. Ben, un événement quelconque, puis on ne sait pas comment agir dans l'événement, c'est parce qu'on ne l'a pas intégré. Tu arrives d'une maison, puis on te demande de la nettoyer. Tu sais-tu ce que c'est à faire? Oui. Fait que tu es en train de l'intégrer. Oui. Donc, on n'intègre pas totalement d'une chose. Ça prend du temps avant d'intégrer. Qu'est-ce que ça prend, tu penses? De le faire plusieurs fois? Oui. OK. Puis de le faire naturellement. Tu rentres dans une place, tu dis, ah, il y a ça, ça, ça à faire. C'est comme rager réflexe. Oui, c'est ça. Quand tu conduis bien l'auto, c'est réflexe. Tu n'as pas peur de conduire. C'est comme tu sais que. Tu sais ce que tu peux et tu sais ce que tu ne peux pas. Ça, c'est dans ce temps-là, c'est intégré. Moi, je roulais à 200, là, je ne serais plus capable. Parce que j'ai tellement intégré la conduite que je sais où, qu'est-ce qu'il me faut comme capacité de mesurer distance, puis je connais mon auto, puis je pourrais embarquer dans n'importe quelle auto, puis je connaîtrais ses limites en dedans de 5 minutes, 10 minutes max. Parce que je sens l'auto. Ça va plus loin que de dire, ah, ben c'est tel modèle, puis papa. Tu sais, être capable d'expliquer le char comme modèle, comme marque, comme ci, comme ça. Pour moi, ça n'a aucune valeur quand je conduis. Parce que conduire une auto, l'auto a des pneus dessoufflés ou le moteur cogne ou n'importe quoi, c'est pas une histoire de modèle, là, c'est une histoire d'entretien. Fait que quand tu as intégré, absolument, tu fais corps avec quelque chose. Tu Toi, tu fais corps avec ta chainsaw. Moi, je pourrais faire corps avec ta chainsaw. J'ai de la misère à le faire avec un aiguille. Là, que... c'est comme pas mon domaine. Computer, dans le temps que j'avais ma vue pour voir clair, j'étais capable de fouiller dedans, de bâtir un système de logiciel, apprendre un programme. Des... j'avais pas de trouble avec ça. L'intégration, c'est des talents. Des talents que tu mènes à terme et puis que tu rends intelligent dans une expérience donnée. Mais tout le monde n'a pas tous les talents. Tu vas avoir certains talents. Tu vas avoir certaines choses qui est possible d'intégrer. Moi, j'ai intégré beaucoup dans mes consultations, le couple, les associations. Ce qui s'oppose à l'identité. En astrologie, la maison 7, c'est opposé à l'identité, à l'individualité, à ces choses-là. Fait que partout où les gens vivent des dépendances ou des choses, à, des choses au niveau de la, du sentiment ou de l'affectivité dans les rapports à d'autres, là, qui sont adversaires à, sa, à son rapport à l'autonomie puis à l'individualité, j'ai maîtrisé ça avec les années. Donc, j'ai intégré ça avec les années. Donc, aujourd'hui, si je suis capable de vivre tout seul, je suis aussi capable de vivre en couple. Mais je n'ai pas besoin du couple comme un facteur de dépendance, comme la plupart des gens vivent. Fait que si je suis en couple, je suis en couple de toute façon quand je fais des associations au niveau structure de travail, comme pour mes cours d'astro, puis ma structure matérielle, présentement, je suis en couple avec Alexine, mais ce n'est pas un couple de « ça va, ça vient », là, c'est un couple de relations de cohérence au niveau de la... elle, pour se définir, puis moi, pour permettre à ma structure définie de travail de continuer de se développer jusqu'à temps que j'en crève. Là. Fait que ça permet une cohérence. Okay. J'amène à elle sa cohérence dans son identité, et puis elle me garde cohérent au niveau de la matérialité. Ça, c'est une structure de couple. Si elle vient faire de l'ordre, Jeannette, chez nous, c'est un couple de cohérence au niveau de mon développement de mon intimité et d'habitation. Si je fais un couple de travail au niveau de la, je sais pas, du montage de CD avec Charlie, ben ça devient un couple de productivité, de conférences, puis de ci, puis ça, puis peut-être éventuellement de développement à mettre ça sur les médias sociaux, puis ces bébelles-là. On ne sait pas où ça peut aller. Mais une vibration, si c'est bien parti, ça n'a pas de limite, ça n'a plus de fond. Ça peut aller bien, bien, bien loin. Mais tu ne peux pas anticiper ça dans le jeu. Ça se développe dans l'action puis dans le faire. L'intégration, c'est faire. N'oubliez jamais que c'est intégrer égale faire. Il n'y a pas d'intégrer au niveau des idées, jamais. Il n'y a personne qui va me faire... même si elle me dit « Ah, ben moi, j'ai fait un doctorat en telle affaire. » Mais oui, le doctorat, il fait quoi, là? Un doctorat, c'est pas de l'intégration. C'est juste une grosse bolle. Un gros cerveau. Mais il n'y a pas de valeur à ça. Un médecin est un bon médecin, pas parce qu'il a un doctorat. Il est bon médecin parce qu'il a eu 1000 patients. C'est ça. Pardon? J'ai dit oui, c'est ça. J'ai rien compris. J'ai dit un bon médecin, c'est il l'a en pratiquant. Oui. Il n'y a rien que tu peux faire avec des idées. Il faut que tu actives quelque chose. Il faut que tu échanges avec des gens. Pas d'échange, oubliez ça, là, vous êtes zéro. Absolument rien. Il ne se passe rien. Tu vas être une bonne femme de ménage parce que tu as fait bien les ménages, parce que tu as vu beaucoup de situations différentes, n'importe, name it. Tu dis, moi, j'aimerais ça faire de la recherche. Je parlais à Jeannette, puis elle dit, j'aimerais tout le temps aimer ça faire de la recherche, mais tu n'attends pas après personne, fais-en. Choisis ton thème, puis développe. Moi, quand j'ai commencé dans la bouche, j'en ai fait de la recherche, j'en ai fait pendant 30 ans. Puis à un moment donné, whoop, je suis tombé sur la patente. Je le montre aux gens. Les gens n'auront jamais l'intégration que j'ai dans le système boursier. C'est pas parce que je te montre le truc que tu es capable d'appliquer le truc. Parce que le truc, il est facile. Pleine lune, ça baisse. Nouvelle lune, ça monte. Euro, USD. That's it. J'ai pas étudié le Canadien avec le USD et ces affaires-là. C'est une autre recherche, ça. Tu peux partir des mêmes bases que j'ai puis commencer à travailler une autre monnaie, si tu veux. C'est pas un problème. Mais de la recherche, c'est de la recherche. La recherche, ça suppose des gains puis des pertes. Ça suppose que, bon, oh, tu te plantes là, tu corriges ça. Moi, j'ai appris dans les erreurs. J'ai pas appris dans la facilité. J'ai appris parce que c'était tough. J'ai appris à me contenir. Ça, la contenance que j'ai, il n'y a pas personne qui l'a ici, là, c'est pas vrai. Là. Je l'ai parce que, bon, oups, ça, ça marche pas, on corrige ça, puis là, ta-ta-ta. Je peux vous donner tous mes trucs, puis ça ne vous donnera pas plus de certitude, parce qu'il faut que vous soyez capable de l'intégrer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, tu vois, regarder quelqu'un qui joue au tennis, puis mon Dieu, qui joue bien, ça a l'air facile. Tu prends la raquette, tu dis, oups, tabarnouche! Comment ça fait que je ne suis pas capable comme lui, pourtant... Je le vois faire. Oui, mais tu le vois faire. Ça ne veut pas dire que ton mental est naturel dans ce mouvement-là. Donc, ça veut dire que toi, tu ne l'as pas intégré parce que tu ne l'as pas fait. Mais tu le comprends. Mais comprendre, c'est pas intégrer. C'est bien important de comprendre que comprendre, c'est pas intégrer. Donc, si vous comprenez ce que je vous dis, vous ne l'avez pas nécessairement intégré. T'es carré, hein? Pas d'allure. Ça sert à quoi de venir dans la conférence, Carlis? C'est parce que c'est juste une direction pour faire quelque chose. C'est grosso modo une permission qui vous est donnée de faire ce que vous voulez pour comprendre éventuellement, il faut que ça soit naturel. Donc, ce n'est plus un trait de volonté, mais c'est un trait de pouvoir faire. Quand vous allez arrêter de vouloir faire, vous allez pouvoir faire. Mais vous ne serez jamais capable de vouloir sans pouvoir. Donc, pour pouvoir, il faut être dans l'action, tandis que pour vouloir, il faut être dans la tête, pensée. Donc, rationnel. Terrible, hein? Question. Qu'est-ce que c'est un gourou? C'est quelqu'un qui veut vous faire faire. Donc, il veut que vous intégriez ce que lui n'a pas intégré. C'est ça, le gourou. Fait qu'il vous transmet des idées, que lui, il ne peut pas faire parce qu'il s'occupe à les penser plutôt qu'à les faire. C'est quoi un initié? C'est quelqu'un qui a fait quelque chose puis qui vous raconte ce qu'il a fait. C'est pour ça que quand lui il m'a demandé un sujet sur la santé financière, je ne peux pas en parler, mon Claude, parce que je ne l'ai pas fait. Mais toi, si tu veux le parler, je ne t'ai pas. Hein. Je vais peut-être apprendre quelque chose pour le faire. Mais Daniel, quand tu gagnais des gros salaires, tu l'as... C'est pas une santé financière, ça. Mon père disait tout le temps, « Écoute, mon grand, c'est pas combien tu fais, c'est qu'est-ce qui te reste. » Au pelaire. Il dit, moi, avec 50 000, je vais en mettre de côté. Toi, avec 50 000, il va t'en manquer encore 50 000. Il n'y avait pas tort. Parce que moi, je faisais des projets avec ce que j'avais. Tandis que lui, il ne faisait rien avec ce qu'il accumulait. J'ai dit, je te remercie, tu vas me permettre plus tard de faire plus avec ce que tu vas me donner. Et effectivement, c'est ça que j'ai fait. Je développe des projets. Moi, pour moi, l'argent, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. J'ai jamais regardé l'argent comme une fin. Toi, tu n'aurais jamais développé le système boursier que tu utilises aujourd'hui. Fait que tu n'engendres rien. Mais tu as l'argent pour rentrer dans le marché, mais tu n'as pas la capacité et le momentum d'être dans le marché. Tu vas tout le temps avoir besoin de ma confiance dans le marché parce que tu ne l'as pas, cette confiance-là. Parce que toi, l'objectif du profit est plus important que de comprendre ce que tu fais. Pour l'instant? Oui, pour l'instant, puis pour longtemps. Parce que tu es taureau. Étant taureau, c'est plus fort que toi performer. Les taureaux, le profit les ronge. Vous étudiez pas, vous autres. Vous ne vous intégrez pas. Vous performez. C'est anti-intégration, ça. Je ne veux pas miner ta confiance, mais tant et aussi longtemps que tu ne comprendras pas que faire, c'est pas performer ou faire des profits, tant que tu ne comprendras pas ça, tu n'auras jamais la confiance que j'ai. Puis tu vas me regarder aller, tu vas dire, « Merde, comment il fait pour faire 6, 7 000, 10 000 par semaine régulier comme une horloge? » Pourtant, tu sais la même chose que moi. en termes d'idées, là, c'est la même chose que moi. Je t'ai transféré mes idées. Puis après ça, bien, il te reste à le vivre. Plus grand-chose à comprendre. Là. Mais tu vas aller têter de la confiance à Claire, à moi. Puis Claire a confiance. Elle m'appelle souvent. À chaque fois qu'elle rentre des grosses traites, qu'elle n'est pas sûre, elle m'appelle. Fait qu'elle n'a pas confiance encore. Donc, elle n'a pas intégré. Tu comprends-tu ce que je te dis? Oui. Ouais? C'est bon. Merveilleux. Et tu as rajouté le concept du momentum. Momentum, c'est... Tu vois ton graphique. C'est comme un matin, quand il était bien bas, là, je suis dans une position. Je me suis levé, j'étais aux toilettes. C'est rare, je me lève pour aller aux toilettes à 7h46. Mais c'est parce que j'ai une chatte qui a couché et elle a crié un cri de mort quand ton premier bébé est sorti. Fait que là, j'étais allé en bas pour savoir s'il y avait de la bataille entre deux chats. Finalement, c'était la chatte qui venait d'accoucher de son premier bébé. J'étais allé voir la bourse, puis j'ai vu que, bon, oups, c'était en bas. J'ai rentré une position que j'ai gagnée vers, je sais pas, midi et demi. Je me suis remonté. J'ai fait 1 000. Fait que la chatte avec son bébé m'a fait faire 1 000 piastres. Fictif. Comment tu dis, ça prend une capacité de faire, de pouvoir, ça prend aussi du momentum? Bien, le momentum, c'est que je n'ai pas taponné avec le POC. J'ai rentré ma position. Je n'étais pas dans l'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. Le marché était bas, puis j'ai dit, hop, c'est bon ça. Il n'a pas commencé à remonter. Là. Si tu me dirais, sais-tu à combien tu es rentré? J'ai dit, non, je ne vois pas clair, moi, là. Je suis arrivé sur l'écran, j'ai fait clic-clic, puis ouais, la position est rentrée. Puis j'étais sûr de ma chute. Le momentum, ça vient quand tu n'es pas dans les idées. C'est quand c'est... Momentum, c'est quand c'est naturel de faire quelque chose qui est fait souvent. Je sais pas, tu as une pancarte, c'est marqué « tourner à gauche ». Le momentum, c'est de tourner à gauche parce que la pancarte, habituellement, ne se trompe pas. Un gars qui me jouerait un tour d'aplomb, là, c'est quelqu'un qui changerait les pancartes de bord. Là, je prendrais le champ d'aplomb parce que je me base sur les pancartes, moi, là, quand je tourne à droite, à gauche. Là. Tu sais, des curves, là. Le momentum, c'est de ne pas s'ostiner avec les pancartes. Je suis à la route quasiment tous les jours, moi, là. Je conduis un minimum d'une demi-heure par jour. Minimum. Ah oui, minimum certain. À un moment donné, tu as du momentum. Appelle ça des réflexes. Un réflexe, c'est avoir du momentum. C'est pas comprendre, parce que c'est facile de comprendre. Support résistant. D'un côté, c'est un support, tu achètes, boum. Faut que ça monte. D'un côté, c'est une résistance, short, boum. Il défonce un short, tu rachètes une autre position. Pas dur à comprendre, ça. Là. Mais le faire, ça demande du momentum. Pas douter. Pas douter dans la vie, c'est avoir du momentum. N'importe quoi que tu fais, que tu ne doutes pas. Tu écoutes ce que je dis, puis tu ne doutes pas, donc tu es prêt à le faire tout de suite. Ben là, tu as du momentum. Comprends-tu? Oui, c'est bon. Merveilleux. Je ne sais pas, je devrais dire, je comprends. C'est pas le bon mot. Est-ce qu'en voilà, intégré? Oui, je l'ai déjà fait, Daniel, j'ai intégré. Je vais le faire plus souvent parce que je doute moins. Donc, j'ai plus de momentum. C'est un peu la bonne formulation, si tu cherches les mots. Les idées, c'est prendre quelque chose de simple puis le compliquer. Le faire, c'est quelque chose qui est simple parce que tu le fais. Conduire, pour toi, c'est plus simple que quand tu l'as appris. Hein? Aujourd'hui, là, je parle. Bon, OK. Quand tu l'as appris, c'était compliqué parce que tu cherchais à comprendre. Mais si c'était donné à un être humain de faire un paquet de choses sans être obligé de passer par la compréhension, bien on dirait cet individu-là, il a naturellement un bon flair, un bon senti pour pouvoir faire quelque chose. Les musiciens là, qui ont 12 ans, 15 ans, puis ça joue du piano, là, sacrément, ça n'a pas d'allure. C'est des gens qui ne passent pas par la compréhension. Ils ont un minimum de solfège, puis un maximum de senti. Et puis ils le font sur le senti. C'est ça des virtuoses, des génies de quelque chose, n'importe quoi. Alexandre m'a amené un de ses petits neveux, là, Guillaume, il s'appelle. Là. Puis tu voyais la carabine, là, il tirait ça, là, puis c'était naturel. Il n'avait jamais tiré de sa vie, là, puis il tirait, là, peu importe le calibre, là, ça n'avait pas d'importance. Il était bon tireur. Donc, il l'avait naturel. On ne peut pas dire qu'il a appris quelque chose. Là. On peut dire qu'il sentait l'arme puis qu'il savait quoi faire avec. Donc, c'est fort probablement un gars qui, dans bien des domaines sportifs, s'investit dans l'action par senti, par vibration. Donc, il y a une capacité d'intégration excessivement rapide. Mais là, ce que j'ai vu dans son personnage, c'est qu'il était en danger parce qu'il se pensait bon. Ça, c'est le danger des gens qui ont ça naturel dans bien des domaines. Se penser bon, là, se penser supérieur, se penser au-dessus d'eux. C'est pas que c'est pas vrai, c'est réel, mais c'est dangereux. Parce que là, tu peux vouloir que les autres fassent que ce que tu fais de la même façon que tu le fais, puis tout le monde n'est pas fait pour le faire de la même façon que tu le fais. Tu vois-tu? Il y a des enfants, ils vont exiger à l'enfant une performance que l'enfant n'est pas nécessairement né pour le faire. Il n'y a pas nécessairement dans sa programmation ce que le père a été capable de. Et là, ça crée des problèmes. Ben pourquoi qu'une expérience? Mettons l'événement qui revient, un événement qui faisait souffrir avant. Si tu as intégré l'affaire qui te fait souffrir, quand l'événement se représente, tu n'en souffres plus. On peut-tu dire que tu as intégré? Il y a des nuances. On peut dire que c'est pas parce que tu ne souffres plus, parce que, écoute, tu peux faire quelque chose que tu n'es pas fait pour. Ça te fait souffrir parce que tu n'es pas fait pour. Puis tu prends des médicaments, puis là, ça ne te fait plus souffrir. Mais c'est pas parce que tu ne souffres plus, parce que tu as des médicaments dans le corps que tu as intégré. Quand tu n'es pas fait pour, tu vas tout le temps avoir un manque. Il n'y a pas de performance, là. D'où l'important de faire vraiment que ce qu'on est fait pour. Voilà. C'est pas, mettons exemple, Gilles, il trouverait un système de harnais pour me faire grimper à 150 pieds. OK? Puis je grimpe à 150 pieds avec les harnais, puis je sais qu'avec tout le système de support, ça me fait moins souffrir. Mettons que j'ai moins peur, mais j'ai quand même peur, parce que pas d'harnais m'a cassé le cambo. Je suis pas fait pour ça. Il y a des ponts, là, que c'est juste un fil, là, puis c'est tenu avec des câbles en vie, là. Mm-hmm. Oublie ça. Moi, j'arrive devant ça, je vais dire, non, amenez-moi un hélicoptère, ça urge. Là, je vais rire de moi, là, il va dire, grand parleur, petit faiseur tant que t'as vu, traverse seul, mon kid, mais si t'as pas d'hélicoptère, tu vas marcher tout seul. Comment tu veux dire? Je suis pas fait pour ça. J'ai pas le goût de me forcer à être quelque chose que je ne suis pas. Tu me feras jamais intégrer les hauteurs. Jamais, jamais. Il n'y a rien, là. Les parachutes, le kit. Trop de vent à la bouche ouverte. La bouche ouverte m'a étouffé. Ça marche pas, là. Il n'y a rien à faire. Je vais trouver tout ce qu'il faut pour rendre ça négatif. Puis m'empêcher de le faire. Quand tu as bien, bien peur, il n'y a rien à intégrer. Force pas des choses que tu n'es pas faite pour. Force pas. Aucun plaisir à se faire du mal. À ce moment-là, comment tu reconnais si tu n'es pas manipulé pour ne pas aller plus loin? Répète-moi ça d'une autre façon. C'est comment tu reconnais que... Donne-moi un exemple concret. Là. Exemple concret, c'est que l'histoire de la parole, moi, c'est pas naturel. Puis toi, tu me dis, ben, tu devrais aller dans ce sens-là. Que... OK. À partir d'asseoir, j'accepte ce que tu dis. Et puis jamais, je vais te demander de parler. Qu'est-ce que tu vis, là? C'est pour ça la question. Non, non, mais moi, je te donne ça là, comme réponse. Qu'est-ce que tu vis là-dedans? Je veux voir, moi, si t'es dans un débat d'idées ou si t'es dans la vouloir pas parler. Ça parle pas, hein? Hein? Ça n'accepte pas qu'est-ce que tu viens dire. Bon, à ce moment-là, ça veut dire que ça veut parler? Oui. Bon. On vient de défaire ta théorie. Toi, tu dis que c'est pas naturel pour toi de parler. Puis je te dis OK. Fine. Puis là, tu veux contredire pour dire waouh, mais je veux parler. Ah. Tu viens de défaire ce que tu as avancé. Oui. Branche-toi. Qu'est-ce que tu veux vivre? As-tu peur de ne pas parler? Ou si tu as une peur de parler? Mais moi, c'est la réponse. Un petit peu des deux, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas intégré. Ça, c'est évident. Oui, mais c'est bon, parce que là, on enregistre. Fait que les gens sur le CD, ils vont se faire une idée de qu'est-ce que c'est être ambivalent. Mm. C'est peut-être pour ça que tu es intransigeante, parce que tu es ambivalente. Le doute. Tu vas aller là, tu vas aller là, tu te branches pas. C'est tarte aux pommes ou un gâteau au chocolat. Mange donc les deux. J'ai pas d'appétit, mais mange en un aujourd'hui puis l'autre demain. Prive-toi pas. Bien, dans l'ambivalence, tu te dis, bien là, il faut absolument se brancher. Tu ne supportes pas d'être ambivalent. Tu sens que c'est une souffrance d'être ambivalent. Fait que là, tu deviens intransigeant. Tu as décidé de faire quelque chose. Bien, regarde, un gars dit, il t'aime, puis tout ce qu'il fait, ça te fait pas vivre de l'amour, ça te fait vivre du conflit. Bien là, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Ben oui, je t'aime. Ben oui, mais prouve-moi-le. Comment tu veux que je te le prouve? Je t'ai acheté telle bebelle, là, là, là, là. Ouais, mais en échange de ça, tu m'achètes ça, ça, ça, puis tu m'obliges à... Ben ouais, tu sais, écoute, il y a un prêt payé pour être aimé, là. Ben, ça me tente pas d'être aimé de même. Bon, OK, on va se séparer. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais être aimé. Branche-toi. Ben, t'es ambivalent. Puis tu demandes quelque chose pour que l'autre tranche dans l'ambivalence. Puis il te le donne pas comme tu veux. Il finit qu'il sait plus quoi faire. Comprends-tu quelque chose? Je pense que oui. Tu penses que oui? Ça, c'est de l'ambivalence. Je pense que oui. Qu'est-ce qui trancherait le « je pense »? C'est pas le penser puis le savoir. Mais tant que tu vas le penser, tu vas être ambivalent.